il va continuer aussi à héberger des mercenaires qui veulent déstabiliser le Mali européen. Il ne sera pas tranquille. Il ne sera pas tranquille. Je pense, rassurez-vous, plus le temps passe, plus je pense la peur c'est du côté de Ouattara. Rassurez-vous. Et il a mis ce dossier tout simplement entre les mains de la CEDEAO. Au cours ici, il ne peut pas avoir d'intervention militaire. Rassure-toi, Ouattara a peur de cela. CEDEAO, ce n'est pas que Ouattara qui est membre de la CEDEAO. Le Mali aussi est un pays membre de la CEDEAO. En fait, ce qu'il demande, il demande une médiation de la CEDEAO. Parce que jusque-là, c'était le Mali d'un côté, le clan Ouattara de l'autre côté, le Togo au milieu. Afrique Média, le monde, c'est nous.